sens des drames, je perds mon calme. Je sais pas de quel côté me tourner. En enfer, j'ai trop séjourné. Bélec à la roue qui peut tourner. J'ai des tas de rimes à mon actif. Ferme les yeux, allume un spliff. On est tous passés par le bédo. À l'affût, trop de condés dans le rétro. Sur le dos, je t'ai trop. Au comico, coup de Trafalgar. Premier ex-poto à baver toute l'histoire. En gros, je n'aime pas ça. Les gens qui n'ont pas de peu ça. La liberté s'éloigne de moi. Seul le juge me répondra. Je comprends la solidarité. Je consomme pas l'échec. Je veste la popularité. Et tout est schneck. Ombré, je dis les choses comme elles sont. Il est simplement question de faire un peu attention. Je rentre sur un son sans aucune réflexion. À la place du cœur, j'ai un glaçon. Elle a fondu ma haine. Je suis loin des problèmes. Si peu écouter, mais mon flow hygiène. Grosse peine, mais je suis sorti la tête haute. Dans quelques écoutes, je demande pas de vote. Je sais pas pourquoi ils aiguisent leur foi. Je n'ai déjà pris plus de 3 à la fois. Racontez n'importe quoi, je vais vous enlever votre joie. Après le son, même si toute la ville parle que de vous, je suis à mes premiers pas. T'es pas dans le coma, t'es qu'à faire des poursuites. Ta team ne bouge même pas. Question, combien de thunes avant d'avoir la lune? Garde tes ex, tes futurs, j'ai la mienne, j'en veux qu'une. Question, combien de thunes avant d'avoir la lune? Garde tes ex, tes futurs, j'ai la mienne, j'en veux qu'une. Et yo, la rue, rap, TK, frappe, c'est de la bonne trappe, ne te casse pas. Et tu peux continuer. TK, 1, 3, freestyle. Nigga, Vivre ou mourir? Telle est la question.